crayon, au-dessus de ses yeux, elle en connaît un rayon sur les charmes délicieux. Elle tourne en dérision, les problèmes contentieux, et elle se fout des tensions avec son air malicieux. C'est dingue, qu'elle dégage, elle a réussi à prendre mon cœur en otage. En sa présence, je me sens comme sur un nuage. Pour la garder près de moi, je ferai même l'enfantage. Alors sache que si tu la croises, elle est à moi, car c'est la seule qui a réussi à me mettre en émoi. Un jour, elle sera à moi, je ne te dis que ça, et même si je dois attendre des mois. Elle est belle comme un cœur, elle active la chaleur, son regard est charmeur, elle méritait. Elle attise la ferveur, elle est toute ma faveur, en me laissant rêveur, elle méritait. Je suis en sa fantasion, elle est mon obsession, sans aucune concession, elle méritait. Je fais une fixation, sur son corps en action, je suis en ébullition, elle méritait. Elle ignore encore la portée de son charme, c'est son corps et sa beauté qui font son arme. Je ne peux me contrôler devant ses formes de femme, comme le bouton recalant, elle a dû faire couler les larmes. Car elle est tellement belle, pour l'aquarelle descendue du ciel. Sa peau est douce comme du miel, et moi j'y ferai bien l'abeille. Qu'elle soit en jean basket ou en robe de soirée, tout est meuf dans ma tête, sans mes surarrêts. Et pour être honnête, je n'étais pas préparé. C'est bien ce que m'inquiète, j'en suis tout retourné, la roue tourne. Un jour ce sera à mon tour de la serrer dans mes bras chaque jour. Quand attendant mon heure, j'avouerai que j'ai peur, pour qu'elle trouve ailleurs le bonheur. Elle est belle comme un cœur, elle active la chaleur, son regard est charmeur, elle méritait. Elle attise la ferveur, elle a toute ma faveur, en me laissant rêveur, elle méritait. Je suis en sa possession, elle est mon obsession, sans aucune concession, elle méritait. Je fais une fixation, sur son corps en action, je suis en ébullition, elle méritait. Elle est peut-être pas parfaite, à vos yeux certes, mais sachez que cette fille me fait tourner la tête, j'aime quand elle s'entête, et qu'elle s'apprête, afin qu'elle puisse tout à lui faire la fête. Alors faites que vous voulez mener la prochaine facette, et qu'il cherche garder même si ça se voit pas, elle n'est pas comme toutes les autres, elle a un truc comme du combat, c'est pour ça que je lui demanderai sa main. Elle est belle comme un cœur, elle active la chaleur, son regard est charmeur, elle méritait. Elle attise la ferveur, elle a toute ma faveur, en me luttant rêveur, elle méritait. Je suis en sa possession, elle est mon obsession, sans aucune concession. Je fais une fixation sur son corps en action, je suis en ébullition, elle méritait. Elle est belle comme un cœur, elle active la chaleur, son regard est charmeur.